copie du canif. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du canif. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit. Le soir entre ses draps roses, elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du canif. Dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose, à côté d'être seule sur terre, et elle y pense seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime. C'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore. C'est fou comme elle aime. C'est beau comme elle aime. Il a des droits sur son sourire. Elle a des droits sur ses désirs. Du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires, la copie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seul dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime.